إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc aujourd'hui c'est le cours numéro 5 dans le dars de Kitab al-Tawhid et avec l'explication du Cheikh Saleh al-Fawzan. Donc le Cheikh il dit قال وقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت يخبر سبحانه وتعالى أنه بعث في كل أمة والأمة معناها الجماعة والجيل والطائفة من الناس في كل أمة رسولا والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه والرسل كثيرون منهم من سمى الله جل وعلا لنا في القرآن ومنهم من لم يسم لنا ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك فنحن نؤمن بجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم ومن سمى الله لنا ومن لم يسمي والإيمان بالرسل أحد أركان الإيمان الستة. Donc le Cheikh ici il commence cette partie-là en expliquant le deuxième verset qu'il a mentionné dans le chapitre 1 du livre de Kitab Tawhid, c'est-à-dire وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons fait susciter dans toutes les nations un messager pour qu'il dise aux gens « Adorez Allah seul et écartez-vous du Tawhid ». Donc là maintenant il va expliquer un peu la signification de ce verset. Donc le Cheikh il dit en commençant, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit ce verset là وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et il dit que donc il a fait susciter dans chaque nation, et le mot ummah ici, qu'est-ce que ça veut dire ummah? Ça veut dire une jama'a, on a traduit ça par le mot nation. Toutefois, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un groupe, une génération, hein, un groupe ou une génération ou un groupe de personnes. Donc dans toute nation, Allah a envoyé un messager, Rasoulan. Et Rasoul, c'est quoi un messager? C'est quelqu'un qui a reçu une révélation, hein, qui a reçu une révélation avec une charia, et qui a été commandé de transmettre cette charia aux gens. Et la différence entre un Rasoul et un prophète, le Cheikh il l'a pas mentionné ici, mais c'est qu'un prophète, c'est celui qui a reçu une révélation, mais il se base sur celui qui a été ordonné d'appeler les gens à Allah, mais qui se base sur une révélation d'un prophète précédent. Il n'a pas reçu une nouvelle charia. Il a reçu une révélation, mais il n'a pas reçu une nouvelle charia. Donc, ça c'est une explication, mais il y a différentes opinions au sujet de la différence entre un prophète et un messager. On va pas rentrer là, parce que c'est pas ça le sujet. C'est le chef, il explique seulement ce point-là pour nous faire comprendre qu'est-ce que c'est un messager. Et donc, il dit que parmi les messagers, il y en a dans le Coran, que Allah nous a mentionné. Toutefois, il y a également des messagers que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas nommés dans le Coran. Donc, le nombre des messagers c'est un très grand nombre. Il y a un hadith qui a été rapporté qui mentionne un nombre spécifique de messagers et de prophètes. Toutefois, c'est pas un hadith qui est authentique. Souvent, les gens se basent sur ce hadith-là pour donner un nombre spécifique de prophètes et de messagers, mais ce nombre-là n'est pas rapporté dans un hadith sahih. Le hadith n'est pas authentique, donc c'est pas une référence. Donc, il y a des messagers qui sont mentionnés dans le Coran. Ceux qui sont mentionnés dans le Coran sont du nombre de 25. Okay? Toutefois, il y a d'autres prophètes dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a pas mentionné les noms dans le Coran. Et on doit croire donc à tous les messagers que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés, du premier jusqu'au dernier. Hein? Ceux que Allah a mentionnés et ceux qu'il n'a pas mentionnés, on doit croire à tous ces messagers-là. Et de croire aux messagers d'Allah, c'est un des piliers de la foi, parmi les 6 piliers de la foi. Ensuite, le shaykh nous dit, « أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاشْتَنِبُ الطَّاغُوتِ هَذَا مِثْلُ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ فَكَمَا أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ لِعِبَادَتِهِ وَكَذَلِكَ أَرْسَلَ الرُّسُلَ أَيْضًا لِعِبَادَتِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَمَا أَرْسَلَ الرُّسُلَ وما أرسل الرسل يعلمون الناس الفلاحة والزراعة والصناعة ولا يعلموهم الأكل والشرب ولا ليعلموهم أن يقروا بوجود الرب والربوبية إنما أرسل الرسل ليأمروا الناس بعبادة الله سبحانه وتعالى الذي هو ربهم والذي يعترفون أنه ربهم وخالقهم سبحانه وتعالى. Donc le cheikh explique que Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé chaque messager pour dire aux hommes d'adorer Allah seul et de s'écarter du tarot, c'est-à-dire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est un peu comme le verset qu'on a lu précédemment qui dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, hein, que pour al-ibada, pardon. » Le chef, il dit donc qu'il a envoyé les messagers pour appeler les hommes à l'adoration, et ça c'est comme l'autre verset qu'on avait lu la dernière fois, « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Donc, la même façon que Allah a créé la création pour son adoration, pour qu'on l'adore, de la même façon qu'il a envoyé les messagers pour son adoration également, c'est-à-dire qu'il a envoyé les messagers dans le but qu'ils apprennent à l'humanité qu'ils doivent adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, et qu'ils doivent abandonner le shirk et l'adoration d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il mentionne, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé les messagers pour apprendre aux hommes l'agriculture, ou bien pour apprendre comment devenir un fermier, ou bien comment devenir un artisan ou un... Il y a des choses de ce genre. Ou bien il n'a pas appris aux gens comment manger, comment boire. C'est pas ça le but des messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas pour ça qu'ils ont été envoyés. Hein. Ils n'ont pas été envoyés pour enseigner aux gens comment faire une économie ou comment faire des industries ou des trucs comme ça. Le but fondamental pour lequel ils sont venus aux hommes, et pourquoi Allah les a envoyés en premier de tout, c'est pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour leur enseigner comment adorer Allah et pour leur dire qu'est-ce qu'ils doivent adorer, c'est-à-dire qu'ils doivent adorer Allah seul et abandonner tout ce qu'ils adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le chef il spécifie aussi et il dit qu'ils ne sont pas venus non plus pour faire accepter ou faire reconnaître aux gens l'existence de Dieu, hein, ar-rububiyya comme on dit. Parce que la plupart des gens, ils reconnaissent déjà l'existence de Dieu. Ils reconnaissent déjà que Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui Ar-Rab. Donc le prophète et les messagers d'Allah sont pas venus pour dire aux êtres humains reconnaissez l'existence de Dieu ou croyez qu'il y a un Dieu qui existe, puisque la plupart des hommes acceptent déjà ce fait-là et reconnaissent déjà qu'il y a un seul Dieu et que c'est lui qui a créé l'univers. Mais le problème de l'humanité, comme on l'a déjà expliqué, c'est qu'ils ils adorent d'autres avec Allah, ils adorent d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a uniquement envoyé les messagers pour qu'ils ordonnent aux gens, pour commander aux hommes d'adorer Allah seul, et parce que c'est lui leur Rabb, c'est lui leur Seigneur, celui qui les crée et qui les a créés, qui leur donne leur subsistance, etc. Et donc, puisque c'est lui qu'ils reconnaissent, plus qu'ils reconnaissent que c'est lui leur Seigneur, plus qu'ils reconnaissent que c'est lui leur Créateur, et bien c'est à lui seul qu'ils doivent vouer leur ibadah, leur adoration. Ensuite, le cheikh explique maintenant la signification du mot ta'hout. Il dit « وَأَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ أَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ هَذَا أَمْرُ وَاجْتَلِبُ الطَّاهُوتِ هَذَا أَمْرٌ بِمَعْنَى النَّهِي وَالطَّاهُوتِ مَأْخُوذٌ مِنَ الطُّغْيَانِ وَهُوَ مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ فِي كُلِّ شَيْءٍ والطاهوت يطلق ويراد به الشيطان وهو رأس الطواغيت لعنه الله. Donc le cheikh il explique et il dit que Allah nous ordonne de l'adorer lui seul en disant Ani'budullah, parce que Allah il dit qu'il a envoyé les messagers en disant adorez Allah. Hein, ça c'est un commandement, c'est un ordre de la part d'Allah. Et ensuite, wajtanibu at-taghut, c'est-à-dire écartez-vous du taghut. Donc, il y a maintenant l'interdiction. Il y a l'ordre et l'interdiction. Ok? Et le taghut, c'est quoi? Ça vient du mot turyan. Ça vient du mot en arabe turyan. Et qu'est-ce que ça veut dire turyan? C'est de transgresser la limite. Mujawazatul had, c'est-à-dire de dépasser la limite, de transgresser la limite de toute chose. Donc, le tarot, on peut l'utiliser pour vouloir dire le shaitan. Et le shaitan, c'est le premier des tawarit. Hein? C'est le premier des tawarit, parce que c'est lui qui appelle les hommes à dépasser la limite et à sortir des limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le premier tarot, c'est le shaitan, la'anahullah. Et également, on peut également utiliser le terme tarot pour déterminer d'autres choses également, comme le cheikh explique. Il dit « وَيُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ السَّاحِرُ وَالْكَاهِنُ وَالْحَاكِمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَالَّذِي يَأْمُرُ النَّاسِ بِاتِّبَاعِهِ فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ فَالطَّاغُوتُ كَمَا يَقُولُ ابْنُ الْقَيِّمِ كُلُّ مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُودٍ أَوْ مَتْبُوعٍ أَوْ مُطَاعٍ فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ فَهُوَ طَاغُوتُ. Donc le cheikh explique qu'il dit qu'on peut également utiliser le terme tarot pour désigner un magicien ou un sorcier, quelqu'un qui utilise de la sorcellerie, hein, ou des trucs de sorcellerie pour ensorceler les gens et pour jeter des sorts ou des trucs de ce genre. Également on peut utiliser le mot tarot pour qualifier un soi-disant un médium ou bien quelqu'un à qui on n'attribue la capacité de connaître l'avenir et de pouvoir nous révéler notre bonheur ou notre avenir, des trucs comme ça, ou des gens qui prétendent pouvoir lire, par exemple, nous dire l'avenir comme les gens qui lisent l'horoscope, ou les gens qui lisent les cartes, ou les gens qui lisent les feuilles de thé, ou qui lisent dans la main, hein, qui lisent la main, des trucs comme ça. Il y a aussi le tarot, toutes sortes de trucs de ce genre. Toutes ces formes de choses-là rentrent dans ce qu'on appelle al-kahana, et tout ça donc ça rentre dans ce qui est shirk et ce qui est yani, en dehors des limites de l'islam dans ce sens-là, parce que c'est le fait de prétendre de connaître al-ghayb, et ça c'est bien entendu quelque chose qui se limite ou qui est uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est quelque chose aussi qu'on appelle un ta'arut, quelqu'un qui prétend pouvoir déterminer ou révéler aux gens leur avenir. Il y a aussi une autre chose qu'on peut appeler un ta'arut, c'est quelqu'un qui juge par autre que la loi d'Allah, hein, quelqu'un qui juge par autre que ce que Allah a révélé. On peut l'appeler ta'arut aussi. Et dans ce cas-là, bien entendu, il y a la forme de ta'arut qui est kufr akbar et il y a la forme de ta'arut qui est kufr asghar aussi. Parce qu'on sait que quand quelqu'un juge par autre que la loi d'Allah, ça peut être kufr akbar qui fait sortir de l'islam et ça peut être aussi kufr asghar qui ne fait pas sortir de l'islam selon qu'est-ce qui est dans le cœur de la personne qui juge par autre que la loi d'Allah. S'il déclare cette chose-là qu'elle est, s'il déclare que la chose par laquelle il juge est meilleure ou équivalente ou égale, bien que c'est permis de juger par autre que la loi d'Allah, dans ce cas-là c'est un kufr akbar qui fait sortir de l'islam. Mais si la personne qui le fait, elle croit que la loi d'Allah c'est ça ce qui est obligatoire, puis c'est ça ce qu'il faut, puis c'est ça qui est meilleur, toutefois elle suit ses désirs et ses passions, puis elle tombe dans le fait de juger par autre que la loi d'Allah à cause de ça, dans ce cas-là, elle n'est pas considérée comme étant en dehors de l'islam, c'est juste une personne qui a un kufr mineur, un kufr mineur qui ne fait pas sortir de la foi, qui ne fait pas sortir de l'islam. Et dans ce cas-là, même si on l'appelle un ta'arut, ce ne serait pas dans le sens de quelqu'un qui est ta'arut, dans le sens qui est kafir, mais plutôt qu'il est plutôt un pécheur. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, alhamdulillah. Donc ça c'est pour ce sujet-là. Ensuite, également celui qui ordonne aux gens d'être suivis, ou qui demande aux gens qu'on le suive dans ce qui est contraire à l'obéissance d'Allah. Hein, comme le cheikh il dit, وَالَّذِي يَأْمُرُ النَّاسِ بِاتِّبَاعِهِ فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللَّهِ فَالطَّاغُوتُ كما يقول ابن القيم كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله فهو طاغوت. Ça c'est la définition de l'imam ibn al-Qayyim. Quand on a fait l'explication de l'usul al-thalatha, on a défini ça et on a expliqué ça en détail. Et on va y revenir parce que plus loin dans le livre de Tawhid, il y a un chapitre réservé à cette explication-là aussi, ce sujet-là en particulier. Donc, la définition de Ibn al-Qayyim au sujet du ta'arut, c'est qu'il dit que le ta'arut, c'est tout ce qui a dépassé sa limite, ou toute chose par laquelle le serviteur d'Allah, alaykoum salam wa rahmatullah, toute chose par laquelle le serviteur d'Allah dépasse sa limite, que ce soit parmi les choses qui sont adorés, ou les choses qui sont suivies, ou les choses qui sont obéies, dans ce qui est contraire à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, on appelle ça un ta'arut. Ok? Donc le ta'arut, c'est pas juste un tyran, comme certains qui prétendent, comme c'est, qui traduisent le mot ta'arut par le mot tyran. Et bien, un tyran, c'est un dirigeant qui est injuste. Et donc, ils appellent uniquement le dirigeant injuste ta'arut. Et ils ne savent pas en réalité que le mot ta'arut est beaucoup plus large, c'est beaucoup plus compliqué que un simple dirigeant qui est injuste. D'accord? Donc il y a ça, puis aussi le cheikh dit فَاللَّهُ أَمَرَنَا بِعِبَادَتِهِ سُبْحَانَهُ وَاجْتِنَابِ الطَّاغُوتِ وَالْمُرَادُ بِالطَّاغُوتِ هُنَا كُلُّ مَا عُبِدَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَوْثَانِ وَالْقُبُورِ وَالْأَضْرِحَةِ وغير ذلك تسمى كلها تسمى طواغيت. عليكم السلام ورحمة الله. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de nous écarter du ta'arut. Okay? Et lorsqu'on dit ici ta'arut, on parle de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit des idoles, que ce soit al-asnam ou al-awthan. Okay? Et également, parce que l'asnam, c'est les idoles, ok, qui sont sculptées, qui ont une forme, etc., qui sont faites dans une forme. Tandis que l'Awthan, c'est pas nécessairement une statue ou quelque chose qui a été sculpté, mais c'est quelque chose qui est adoré, hein, qu'on prend comme une idole. Comme par exemple un arbre ou une roche ou quelque chose de ce genre, on appelle ça un Awthan. C'est pas nécessairement quelque chose qui est gravé ou sculpté selon une image ou une personne, hein, ou un animal ou quelque chose comme ça. Donc ça c'est la distinction, parce que des fois on voit al-Asnam ou al-Awthan, puis on le traduit par comme étant une idole avec le même mot, tandis qu'en arabe c'est deux mots différents. Donc c'est juste pour spécifier, Wallahu a'lam, pour montrer la définition de ces deux mots-là, c'est deux choses différentes. Puis quand on dit en français, parfois c'est le même mot, mais quand en arabe c'est deux mots différents. Wal-Qubur, hein, les tombes, les endroits où les gens sont enterrés, il y a des gens qui adorent ça. Et ça rentre dans la définition du tarot aussi. Ou al-Adriha. Al-Adriha et al-Qubur, c'est proche. Et al-Adriha, c'est les sanctuaires ou les endroits où les gens sont enterrés. Quand il y a un wali qui est enterré, souvent ils ont construit sur sa tombe un dalih. Ok. Ou al-Ghayrihalik. Et ainsi que d'autres choses. Toutes ces choses-là, on les appelle tawarit. Toutes ces choses-là, c'est tawarit, c'est le pluriel du mot tarot. Ok. Donc, le shaykh il dit, ولكن من عبد من دون الله ولم يرضى بذلك فهذا لا يسمى طاغوتا مثل عيسى عليه السلام. كذلك عباد الله الصالحين كالحسن والحسين والأولياء الذين لم يرضوا أن يعبدوا من دون الله، هؤلاء لا يسمون تواغيط، لا يسمون تواغيط، ولكن عبادتهم عبادة للطاغوت الذي هو الشيطان. فهؤلاء الذين يعبدون الحسين وأمثاله، هؤلاء يعبدون الشيطان، لأنه هو الذي أمرهم بهذا. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. أوكي يعني كان يزيد بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين وأكثرهم بهم مؤمنون. سورة سبأ. فاجتنبوا الطاغوت يعني كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. دونك الشيخ اللي اكسبليك pour que quelque chose soit appelé tahout, quand on dit que toute chose qui est adorée en dehors d'Allah, on l'appelle un tahout, sauf qu'il y a une condition, dans le sens qu'il faut comme par exemple, il faut qu'elle soit satisfaite d'être adorée, cette chose-là. Si elle n'est pas satisfaite d'être adorée, on l'appelle pas, elle n'est pas un tahout en elle-même. Comme par exemple, Isa alayhi salam, les chrétiens adorent Isa, ils l'adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, Isa n'est pas satisfait de ça, il n'a jamais demandé ça aux gens. Donc, au contraire même, il le déteste, hein, il l'a même interdit. Donc, il n'est pas un tarout, il n'est pas un tarout, parce que c'est un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si les gens l'adorent en dehors d'Allah, lui-même il n'est pas un tarout, parce que c'est pas lui qui a demandé aux gens de l'adorer, et il n'est pas satisfait de ça. Et également, par exemple, ceux qui adorent des hommes pieux, des hommes vertueux, qui sont parmi les gens qui ont été sur le droit chemin, comme par exemple Al-Hassan ou Al-Hussein, les deux petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont parmi les sahaba, et donc ils sont parmi les grands musulmans de notre Ummah. Et donc, étant donné qu'ils sont parmi les hommes pieux, on les appelle pas des salih, on les appelle pas des tawarit. On les appelle pas des tawarit. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été satisfaits de l'adoration que les shi'as et les rafidas leur avouaient. Parce qu'il y a des rafidas, des shi'as, qui prennent Al-Hassan ou Al-Hussein comme des dieux. Et ils les invoquent quand ils ont des malheurs, hein. Quand ils ont des malheurs, ils commencent à les invoquer et à crier leur nom et à leur demander le secours. Ya Hassan, Ya Hussein, Ya Ali, hein, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, bien entendu, c'est shirk. Donc, étant donné que Al-Hassan, Al-Hussein ou Ali ne sont pas satisfaits de ces adorations-là, que ces gens-là leur a dirigé, eh bien, on dit ce ne sont pas des tawarides. Toutefois, l'action qu'ils font, c'est une forme d'adoration du tawarut. Mais quand ils adorent Al-Hassan ou Al-Hussein, en réalité, ils adorent le shaitan. Comme le cheikh va l'expliquer, il dit « وَالْأَوْلِيَا الَّذِينَ لَمْ يَرْضَوْا أَنْ يُعْبَدُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ » Ceux qui ont, ces hommes pieux-là, qui n'ont pas été satisfaits de se faire adorer en dehors d'Allah, ceux-là, on ne les appelle pas des tawahid. Toutefois, l'action que ces gens-là font vis-à-vis de ces êtres pieux-là, ça s'appelle une adoration pour le tarot. Pourquoi? Parce que en réalité, ils adorent le shaitan. C'est le shaitan qui leur a ordonné d'adorer ces hommes-là, ces êtres pieux-là. Et donc, à cause de ça, en adorant Al-Hassan al-Hussein et les autres, wa alaykum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh, en adorant Al-Hassan al-Hussein ou Isa alayhi salam ou d'autres parmi les hommes pieux, eh bien, ils obéissent au shaitan en faisant ça. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que l'action qu'ils font, c'est une action d'adorer le tawhid. Et ensuite, le cheikh il explique que la preuve que c'est le shaitan qu'ils adorent, la preuve de ça, c'est dans le verset 40-41 dans Surat Saba. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que le jour où on va tous les ressusciter, et on va tous les rassembler au jugement dernier, et on va dire aux anges, est-ce que c'est vous que ces gens-là adoraient? Est-ce que c'est vous que ces gens-là étaient en train d'adorer? C'est-à-dire, est-ce que c'est les anges? Allah demande aux anges, est-ce que c'est vous que les hommes qui faisaient le shirk, est-ce que c'est vous qui les adorez en dehors de moi? Et là, les anges vont répondre, et ils vont dire, قَالُوا سُبْحَانَكْ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ. Les anges vont se désavouer de ça. Ils vont dire, non, certes, c'est toi notre protecteur en dehors d'eux. En réalité, ils adoraient les djinns. Hein, et en voulant dire les diables, hein, ils adoraient les diables et non pas les anges. La plupart d'entre eux, ils croyaient en ces djinns-là, en ces shayatins-là. Okay, et donc, ils adoraient le shaytan. Donc, le shaykh il continue en disant, faites tel bout de tarot, de s'écarter du tarot, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh dit wa fil ayat al-ukhra faman yakfur bit-tahut wa yu'min billah faqad istamsaka bil-urwati al-wusqa. Ça c'est le verset suivant dans les preuves ou dans les versets que le cheikh a mentionné au sujet du tawhid, au sujet du tawhid. Il dit wa qad rabbuka an asfa. C'est un autre verset, mais c'est pas le verset suivant. Mais c'est quand même un autre verset qui prouve et qui confirme ce verset-là qu'on est en train d'analyser maintenant. Le cheikh il dit, وفي الآية الأخرى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى البقرة. Donc ça c'est le verset dans Surat al-Baqarah 265. Ça veut dire celui qui a rejeté le tarot. Encore une fois, on voit la mention du terme tarot. Donc, celui qui a rejeté le tarot et qui a cru en Allah subhanahu wa ta'ala, alors il s'est accroché à l'anse la plus solide qui ne se brise pas. Ok? Donc, ici, on voit que le cheikh, il dit par la suite pour expliquer ça, il dit, فَهَذَا هُوَ مَعْنَى لَا إِلَهَا إِلَى اللَّهِ. لأن لا إله إلا الله معناها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله مثل قوله اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت نفي وإثبات. أوكي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Le chef il essaie de montrer la ressemblance entre les deux versets. Entre ce verset là qui est le verset 256 dans Sourate al-Baqarah et le verset qu'on a lu tout à l'heure à propos de l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a donné aux messagers quand il les a envoyés d'adorer Allah et de s'écarter du ta'arut, pour montrer que la formule qui est utilisée dans les deux versets, c'est la même dans les deux, et que ça c'est la signification de la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est comme si ce verset là c'est une interprétation ou bien une explication du shahada de la ilaha illallah. Donc quand tu dis la ilaha illallah, c'est la même chose que quand tu dis ubudullah wa ijtanibut taghut, et c'est la même chose que quand tu dis antakfur bit taghut wa tu'min billah. OK, dans le sens que tu affirmes que tu dois adorer Allah seul et que tu dois t'écarter du taghut, parce que la ilaha illallah ça veut dire de rejeter le taghut et de croire uniquement à Allah. OK, donc il y a beaucoup de gens comme ça qui n'ont pas compris, mais en fait c'est parce que dans la ilaha illallah il y a deux parties, l'affirmation, la négation et l'affirmation. La négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et l'affirmation de l'adoration qui est uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, lui seul. Et vous allez voir que dans tous les versets qu'on va analyser dans le début de ce livre, il y a toujours ces deux choses-là qui sont mentionnées ensemble. De la négation et l'affirmation toujours ensemble, qu'il faut adorer Allah seul et qu'il faut rejeter ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous allez voir que cette formule-là, elle se retrouve dans presque tous les ordres de tawhid, tous les ordres de l'adoration. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas rejeté le tawhid, et si tu n'as pas rejeté tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est comme si tu n'as pas adoré Allah seul. Le chef il dit: ولاحظوا قوله تعالى ولاحظوا قوله واجتنبوا ما قال اتركوا عبادة الطاغوت لأن اجتنبوا أبلغ يعني اتركوا كل الوسائل التي يوصل إلى الشرك والاجتناب أبلغ من الترك فالاجتناب معناه أننا نترك الشيء ونترك الوسائل والطرق التي توصل إليه فهذه الآية فيها أن الرسل بعثوا بالتوحيد الذي هو عبادة الله وترك عبادة الطاغوت من أولهم إلى آخرهم. Donc ici le chef il fait observer quelque chose de très important. En fait, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit abandonner ou laisser tomber l'adoration d'autre que Allah ou l'adoration du ta'arut, mais il a utilisé le verbe ijtanibu. Et ijtanibu, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que tu dois non seulement abandonner l'adoration d'autre que Allah ou l'adoration du ta'arut, mais toute chose qui peut t'amener à adorer le ta'arut, tu dois l'abandonner aussi. Tous les chemins ou les voies ou les choses qui peuvent t'apporter ou t'amener à adorer autre que Allah, comme cela, donc tu dois les laisser tomber également. Et donc, le terme ou le verbe ijtanibu, c'est beaucoup plus fort dans l'interdiction que le simple terme de l'interdiction ou de dire par exemple, laissez tomber ou ne faites pas ça. C'est encore plus fort dans l'interdiction. C'est un peu comme l'interdiction du zina. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit ne faites pas le zina. Il a dit toute chose ou tous les moyens ou toutes les choses qui peuvent vous amener à tomber dans le zina, abandonnez-le. Écartez-vous-en. Donc c'est comme si encore plus fort que l'interdiction. Ne vous en approchez même pas. C'est-à-dire tout chemin ou toute porte ou toute chose qui pourrait vous amener à la fin, comme conséquence, à faire le zina, eh bien, coupez-le depuis le début. N'entrez même pas là-dedans. Et donc, on voit ça, des exemples comme ça, pourquoi c'est Allah nous ferme cette porte? Parce que c'est comme une sorte d'engrenage. Ces choses-là, c'est des engrenages. Dans le sens que, une fois que tu rentres dedans, eh bien, c'est tout le reste qui y passe. Petit à petit, mais c'est tout le reste qui rentre après. Hein? Donc, ça commence toujours par quelque chose de petit, quelque chose de simple, quelque chose d'insignifiant, puis ça, ça nous attire de plus en plus, ça nous fait avancer de plus en plus vers l'égarement, jusqu'à ce qu'on tombe complètement dedans, et puis après c'est fini. Bien sûr, toute chose, ça fait partie le fait d'interpréter les photos et les images, ça ferme la porte au shirk, également l'interdiction de construire quoi que ce soit sur une tombe, ça aussi c'est pour fermer la porte à tout ce qui peut amener au shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a pas seulement interdit d'adorer autre qu'Allah puis de tomber dans le shirk, mais toute chose qui va amener à, comme conséquence, qui va avoir comme conséquence que les hommes vont être poussés ou incités ou tentés de faire le shirk à la fin, eh ben il faut fermer la porte depuis le début. Et il y en a des gens comme ça qui n'ont pas compris, ils s'imaginent, ah mais non, on va mettre une statue ici, mais on ne va pas l'adorer. Et donc ils s'imaginent que, parce qu'eux, ils savent que cette statue-là est pas, c'est pas quelque chose qu'ils doivent adorer, et bien ils s'imaginent que, ça, donc il n'y a pas de mal à le faire. Ou bien quelqu'un qui aurait pris des, qui prend des photos par exemple, ou des images, il se dit, mais moi je ne vais pas adorer cette image, et donc je peux la porter, ou bien je peux la faire, ou je peux la placer sur le mur, etc. Et ils oublient que l'être humain est faible dans ces choses-là, et que le shaitan, il va toujours essayer de pousser les hommes à tomber dans le shirk, dans l'égarement à ces sujets-là. Et donc c'est pour ça que l'islam a fermé la porte à toutes ces choses-là qui peut amener les hommes à tomber dans ces formes de shirk. Et le fait de construire des monuments ou des dômes ou des grosses constructions sur les tombes, eh bien, ça donne l'impression aux gens que cette personne-là qui est enterrée à cet endroit-là, il n'est pas comme les autres. Il a quelque chose de spécial et donc il mérite qu'on lui voue un respect particulier. Et puis ça amène par la suite à des gens vont venir et vont demander à cet être qui est mort des choses, des faveurs, des trucs comme ça, puis petit à petit ça fait tomber les hommes dans l'idolâtrie. Regardez en passant, j'étais allé dans un magasin haïtien aujourd'hui, et juste pour vous montrer, journée de pèlerinage au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, ça c'est ici au Québec, okay. Il y a à Notre-Dame-du-Cap des pèlerinages qui sont organisés par les catholiques chaque année, hein, et ils louent des autobus et des trucs comme ça, puis ils s'en vont à cet endroit-là pour faire un pèlerinage à une sainte, ou bien à des saints catholiques, ok. Et donc, soit départ à 6h AM et retour à 6h PM, et c'est le prix est mentionné ici, $30 pour adultes, $20 pour enfants. Ils vont à ce sanctuaire qui est construit à cet endroit-là, puis ils appellent les gens à adorer Marie, puis à adorer les saints et tous ces trucs-là. Donc ça c'est juste pour vous montrer comment le shirk se répand de cette façon-là. Okay, c'était juste un petit exemple pour vous montrer, Annie, c'est des choses de ce genre. Ensuite, toutes les choses qui peuvent nous amener à tomber dans le shirk ont été interdites. Et les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala ont été envoyés avec l'ordre du tawhid. Et l'ordre du tawhid, c'est quoi? C'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et de laisser tomber tout ce qui est d'adoration du tawhid. Et tous les prophètes et tous les messagers ont appelé à cette chose-là, du premier jusqu'au dernier. C'était ça leur message fondamental. Donc le cheikh il dit, إذن جميع الرسل جاءوا بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. هذه ملة الرسل عليهم الصلاة والسلام وهي ملة واحدة وإن اختلفت شرائعهم وإلا أن أصل دينهم وعقيدتهم هو التوحيد وعبادة الله في كل وقت بما شرع. فمثلا الصلاة إلى بيت المقدس في أول الإسلام عبادة لله لأن الله أمر بها، ولكن بعدما نسخت وحولت القبلة إلى الكعبة صارت العبادة إلى العبادة هي الصلاة إلى الكعبة، والصلاة إلى بيت المقدس أصبحت منتهية. فمن صلى إلى بيت المقدس بعد النسخ يعتبر كافرا. فعبادة الله في كل وقت بما شرعه في كل في ذلك الوقت. وإذا نسخ فإنه ينتقل إلى الناسخ ويترك الدين المنسوخ. فدين الرسل واحد وإن اختلفت شرائعهم. Donc ici le cheikh explique un principe important. Il dit que tous les prophètes sont venus avec la même, le même message fondamental et la même religion à la base, c'est d'appeler les gens au tawhid et d'interdire le shirk. Ça c'est leur religion, c'est la voie de tous les prophètes et la religion de tous les prophètes. Et donc les prophètes ont une seule et même religion, il n'y a pas plusieurs religions que les prophètes ont amenées, comme certains s'imaginent. Il y en a qui pensent que Moïse est venu avec le judaïsme, Jésus est venu avec le christianisme et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec l'islam. Non, c'est pas comme ça. Moïse est venu avec l'islam, Jésus est venu avec l'islam et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec l'islam. D'accord? Et c'est ça le message de l'islam, c'est le tawhid. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration d'Allah seul et le rejet de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh explique, il dit que même si les lois et les règles sont différentes d'un prophète à l'autre parfois, mais la base et le fondement de leur aqidah et de leur religion c'est le tawhid, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et chaque prophète qui vient à une époque spécifique, eh bien il vient avec ce qui lui a été révélé comme loi à son époque. Ok? Donc par exemple, même parfois au temps d'un même prophète, il y a des fois des règles qui sont changées par la suite. Comme par exemple, quand au début de l'islam, les musulmans priaient vers Bayt al-Maqdis, ok, ils priaient vers la Palestine, vers Bayt al-Maqdis. Ça c'était au début de l'islam. Et ça, quand ils priaient vers Bayt al-Maqdis, c'était une adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah avait commandé aux gens de faire ça, d'adorer dans cette direction-là. Puis par la suite, ça a été abrogé. Hein, ça a été abrogé et la Qibla a été, disons, changée vers la Kaaba. Donc les gens par la suite devaient abandonner l'adoration ou la prière vers la Bayt al-Maqdis et prier vers la Kaaba. C'était ça la nouvelle Qibla. Et donc, le cheikh il explique que de prier vers Bayt al-Maqdis après ça, c'était interdit. Quelqu'un ne pouvait pas par la suite dire « Ah, oh, mais moi je vais continuer à prier vers Bayt al-Maqdis ». Sa prière ne serait pas acceptée, ça ne serait pas valable. Même aujourd'hui, si quelqu'un dit « Moi je prie vers Bayt al-Maqdis, je ne prie pas vers la Kaaba », ça ne va pas être accepté. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est abrogé. Hein? Et donc, lorsqu'une règle ou une loi de l'islam est abrogée, on n'a plus le droit d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par cette règle et par cette loi. Donc, le cheikh explique que il faut adorer Allah selon la charia de notre époque, selon la charia qui est révélée pour notre époque. Et lorsque cette charia est abrogée, si elle a été abrogée, on l'abandonne et on suit la religion qui a été révélée, et celle qui a été abrogée, on la laisse, on continue pas à la suivre. Et donc c'est pour ça qu'on dit que la religion des prophètes, c'est une seule et même religion, même si les lois, même si les règles sont différentes hein, d'un prophète à l'autre, mais à la base c'est la même religion, sauf que Allah il affirme des règles et des fois il a fait descendre une nouvelle règle pour abroger celle qu'il avait révélée auparavant. Et donc, ça c'est pour faire comprendre que même s'il y a des différences entre les lois et entre les règles d'un prophète à l'autre, mais la base c'est la même, c'est le même message fondamental. Et ça ne change pas. Et le cheikh dit وقد شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالإخوة لعلات وهم الإخوة من الأب أبوهم واحد ولكن أمهاتهم مختلفات كذلك الرسل دينهم واحد وشرائعهم مختلفة حسب حكمة الله لأن الله يشرع لكل وقت ما يناسبه ولكل أمة ما يصلحها وهو أعلم سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا وما دام لم ينسخ فهو عبادة لله وإذا نسخ فالعبادة لله هي الانتقال من الناسخ وترك المنسوخ. Donc ici le cheikh explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé des prophètes et des différentes et des différences entre les lois et les règles d'un prophète à l'autre, il a comparé ça à des frères qui sont de même père mais de mère différente. Hein? Donc en parlant des prophètes, il a dit nous sommes tous des prophètes, nous sommes tous du même père mais de mère différente, en voulant dire que notre religion c'est la même, mais nos règles sont différentes. Parfois, les lois sont différentes d'un prophète à l'autre. C'est ce que ça veut dire. Donc, il a comparé ça avec des enfants qui sont d'un même père, mais de mères différentes. D'accord? Et ça, la différence des règles d'un prophète à un autre, c'est toujours selon la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait légiférer pour chaque époque des règles et des lois qui correspondent aux besoins et à qu'est-ce que les gens ont besoin de dans cet endroit-là, à cette époque-là. D'accord? Et bien entendu, pour notre époque, c'est la charia de l'islam. Et c'est les règles de l'islam. Et elles sont valables jusqu'au jugement dernier. Elles ne peuvent plus être changées ou abrogées parce que c'est la dernière des révélations. Et Allah l'a révélée pour qu'elle soit applicable et qu'elle soit valable jusqu'à la fin des temps. Et c'est pas donc c'est pas permis à personne de venir changer les lois d'Allah sous prétexte de vouloir faire une réforme. Hein. Il y en a des gens aujourd'hui qui appellent les musulmans à faire ce qu'on appelle une, soi-disant une réforme. Hein, en arabe, tajdid. Mais ils déforment en fait la signification de la réforme. Parce que eux, qu'ils veulent faire, c'est non pas de la réforme, mais de déformer la religion, et de changer sa signification, et de rendre halal ce qui est haram, et de rendre haram ce qui est halal. Et ça, bien entendu, ça n'a rien à voir avec la réforme, mais c'est plutôt une déformation de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est bien entendu, c'est haram de faire ça. Même que, en fait, ça, c'est comme changer, essayer de changer la religion d'Allah. Hein? Donc, essayer de faire des changements dans les lois d'Allah pour faire plaisir aux kuffars, pour faire plaisir aux juifs et aux chrétiens, pour faire plaisir aux athées, aux homosexuels, ou à n'importe quel autre parmi les gens qui ont dévié de la voie d'Allah, ça ne s'appelle pas dans l'islam une réforme. Et bien entendu, les kuffars, les ennemis de l'islam, ils essaient souvent de faire la promotion des soi-disant, ceux qu'ils appellent les réformateurs. Hein? C'est vrai, ils les encouragent, ils appellent les gens à dire « Oh, regardez, il y a une minorité de… » ou bien il y a des groupes de musulmans qui veulent appeler à la réforme, qui veulent changer les choses, mais les intégristes, les fanatiques, ils ne sont pas d'accord et ils mettent de la pression et ils font peur et ils les accusent d'être des apostats et d'être des mécréants et des choses comme ça. Et ils disent par la suite, si quelqu'un appelle quelqu'un apostat, ça veut dire qu'il doit être exécuté selon les règles de l'islam. Et bien entendu, l'apostasie, là on est rendu loin. Mais même s'il y a les règles d'apostasie dans l'islam, l'apostasie c'est uniquement le dirigeant d'un pays musulman qui peut appliquer cette peine, ou c'est les gens qui le représentent dans le pays. Et non seulement ça, mais ces règles-là et ces lois-là de l'apostasie par exemple, c'est uniquement dans un pays musulman et c'est pas n'importe qui dans la rue qui peut appliquer ces peines-là. Donc, ils n'ont pas de raison de prétendre que si on dit que quelqu'un a commis un acte ou a dit une parole de kufr ou qui le fait sortir de la foi, okay, ça c'est seulement pour expliquer les limites et qu'est-ce qui fait sortir quelqu'un de l'islam, mais ça ne veut pas dire qu'on appelle les musulmans à appliquer cette peine-là par eux-mêmes et de faire appliquer la punition qui est méritée par cette personne-là par eux-mêmes. Il faut que ce soit un juge qui l'ait jugé à ce sujet-là, et il faut qu'il y ait un istitab, c'est-à-dire il faut qu'on l'ait appelé à se repentir, hein, et on lui donne un répit de 3 jours, selon qu'est-ce que les ulama ont expliqué, et pendant ce temps-là, on va l'appeler à se repentir de ce péché-là, ou d'avoir renié quelque chose, ou d'avoir fait un acte de kufr, en lui donnant les preuves, en lui clarifiant la réalité de l'islam, hein, et si par la suite il insiste, il persiste dans qu'est-ce qu'il a fait de kufr et de shirk ou quoi, dans des cas comme ça, là, par la suite, oui, on va le dirigeant ou le juge va faire appliquer sur lui la peine d'apostasie, mais pas dans un pays de kufr, hein, comme Canada ou États-Unis ou Europe, quoi. Et ça, c'est comme on l'a dit, c'est dans un pays musulman. Et c'est les autorités qui doivent l'appliquer et non pas n'importe qui dans la société. Donc ça, c'est juste pour clarifier ça, parce que j'ai vu des trucs là dans certains sites internet qui faisaient des accusations comme ça. Je pense que ça vaut la peine de répondre à ces mensonges-là de la part de ces gens-là. Ouais, mais ça, c'est pas islamique. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Ceux qui ont appliqué la lapidation en Irak, là, qui ont voulu lapider, comme le frère il me dit que c'est sa sœur ou sa fille, c'est sa sœur, peut-être qu'il l'a trouvé en train de faire un péché. Ah, ok. Ah, ok, ils l'ont. Et ils ont voulu la lapider. Ouais. Ouais. Bon. Je ne sais pas, mais de toute façon, les peines de la charia ne peuvent pas être appliquées par n'importe qui. C'est uniquement Waliyul Amr al-Muslimin qui a le droit de faire l'application des peines de l'islam. C'est le dirigeant des musulmans qui a le droit. Sinon, c'est le chaos, c'est le bordel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je vais décider, ou toi, ou n'importe qui décide, ah, lui c'est un apostat, je le tue. Et l'autre il décide qui est apostat, qui n'est pas apostat. Tout le monde commence à se tuer, chaque groupe, chaque individu commence à vouloir déterminer par lui-même qui est correct, qui n'est pas correct, qui a fait des péchés, qui n'a pas fait des péchés. Et là, c'est l'anarchie. Et ça, c'est interdit dans l'islam. Ok? Donc, même si tu sais que la personne a fait l'adultère, et qu'il y a 4 témoins, et que tout le monde est convaincu que c'est réellement arrivé, mais qu'il n'y a pas un dirigeant musulman pour le faire appliquer, on n'a pas le droit de l'appliquer. On n'a pas le droit d'appliquer cette peine. Même l'imam d'une mosquée, il ne peut pas faire ça. Même un cheikh d'une mosquée, même un mufti, hein, ça va. C'est uniquement le dirigeant d'un pays musulman qui a l'autorité. C'est lui qui a le droit de faire appliquer ça, ou bien son juge qui le représente, ou quelqu'un qui a une autorité légale. Personne d'autre. Ok? Donc, tous ceux qui veulent faire des trucs de ce genre, c'est sûr que c'est haram. C'est comme des fois ils parlent des crimes d'honneur. Hein? C'est ça, des crimes d'honneur. Pas des crimes d'honneur, mais c'est-à-dire, quelqu'un il a vu sa fille avec un autre homme et tout, et là, pour son honneur, il l'a tué par exemple. Ça c'est haram de la tuer sa fille comme ça, c'est haram dans l'islam. Ça c'est des cas où on voit dans des pays où les gens se sont éloignés des limites de l'islam que des choses comme ça arrivent. Les filles souvent portent pas le hijab, puis elles se mélangent à l'école avec des garçons, hein, dans les écoles mixtes, et donc à force de fréquenter des garçons, ça se crée des relations, des trucs comme ça, et puis c'est bien entendu par la suite que l'honneur est atteint. Et pour les koufars, pour eux, bon, il n'y a pas d'honneur. L'honneur, ça n'existe pas. Donc, s'ils voient leur fille, même, dans, ils vont laisser leur fille rentrer dans leur, dans sa chambre à coucher avec n'importe quel garçon sans aucun problème. Moi, j'avais un prof de biologie qui disait devant toute la classe une fois, il dit, moi, ma fille, elle rentre à la maison, elle va dans sa chambre avec son copain, je dis rien. Et je peux rien dire. Donc, ça veut dire que c'est comme ça pour eux. Il n'y a pas d'honneur. Il n'y a pas de dignité. Donc, on s'est éloigné, mais c'était juste pour clarifier ce point. Donc, les charias sont descendus pour chaque époque avec des règles qui correspondent, mais les règles de l'islam, elles, c'est les règles qui sont là jusqu'à la fin. Elles ne vont pas être changées ou abrogées par personne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est le plus savant, le plus connaissant, et il est en même temps le plus miséricordieux. Et il sait quelles règles et quelles lois convient le plus à l'humanité. Et donc c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Wa kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ». Ok, donc ça c'est le verset 48 dans Surat Al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il dit qu'il a fait pour chaque nation et chaque peuple une charia et un minhaj à suivre, une voie à suivre. C'est-à-dire chaque nation dans laquelle est venu un messager, il leur a amené des règles et des choses à suivre. Et donc ensuite le cheikh il dit, madame din, tant que la religion n'est pas abrogée, alors c'est une adoration pour Allah. Mais si elle est abrogée, alors l'adoration d'Allah consiste à laisser ce qui a été abrogé et à suivre ce qui est venu abroger l'ancienne loi. Donc ça y est pour ce point-là. Et après le cheikh il dit فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهِ يعني وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَابَ الرُّسُلِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَبَى وَحَقَّتْ عَلَيْهِمْ ضَلَالَةِ القدر السابق القدر السابق المقدر باللوح المحفوظ بسبب كفره وعناده. Donc la suite du verset, parmi eux il y en a que Allah a guidé, c'est-à-dire ceux d'entre eux qui ont répondu à l'appel des messagers, et il y en a d'autres parmi eux qui ont refusé et sur qui l'égarement a été confirmé à leur sujet dans ce qui avait été prédestiné dans les tables préservées à cause de leur mécréance et de leur opposition au message des messagers. Ensuite, le deuxième verset que Allah subhanahu wa ta'ala, que le cheikh a mentionné, le deuxième verset que le cheikh a mentionné au sujet du Tawhid dans le livre Kitab al-Tawhid, Cheikh Mohamed Abdul Wahhab, il a mentionné le verset وَقَوْلُهُ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ok, ça c'est le verset 23 dans Surat Al-Isra. Ok, Surat Al-Isra, le verset 23. وقضى ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا. Puis le verset est suivi par la suite par différentes ordres, plusieurs ordres et interdictions. OK, qui commence par l'ordre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, puis qui se termine encore une fois par l'interdiction d'adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a 18 commandements qui sont suivis à la suite de cet ordre-là, d'accord. Ensuite, d'être bon envers les parents, de ne pas gaspiller, toutes sortes d'autres choses, par exemple de ne pas tuer nos enfants quand on a peur de la pauvreté ou des trucs comme ça, de ne pas faire le zina, ça c'est dans Surat Al-Isra. Donc il y a beaucoup d'autres choses qui suivent ce verset-là, mais le fait que Allah a précédé ça par l'ordre du tawhid, de l'adoration d'Allah seul, et d'abandonner ce qui est adoré en dehors de lui, ça, ça montre l'importance du tawhid et que c'est le premier des ordres. Cheikh dit, « وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا » C'est-à-dire, notre Seigneur a décrété et il a fait révéler, ou il a ordonné comme loi, hein, il a légiféré que vous devez uniquement adorer votre Seigneur. Vous ne devez pas adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, votre Seigneur, votre Rabb. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Donc, le chef explique ce verset-là, Cheikh Al-Fawzan, il dit وَالْقَضَى لَهُ عِدَّةُ مَعَانٍ مِنْهَا الْقَضَى وَالْقَدَرُ وَمِنْهَا الْحُكُمْ وَالشَّرْعُ ومنها الإخبار وقضاء إلى بني إسرائيل وقضينا إلى بني إسرائيل يعني أخبرناهم ومنها الفراغ فقضاهن سبع سماوات فإذا قضيتم الصلاة يعني إذا فرغتم منها فالقضاء له عدة إطلاقات المراد منها هنا الأمر والشرع وقضى معناه شرع أن لا تعبدوا إلا إياه والله لم يشرع عبادة غيره أبدا. Donc ici le Cheikh explique que le mot قضى dans la langue arabe il a plusieurs significations. Ok, donc il donne des exemples des différentes significations du mot قضى dans la langue arabe. Et il dit que al-qada, ça peut vouloir dire al-qada ou al-qadar, le décret, le verdict, hein. Et, également, ça peut vouloir dire al-ikhbar, c'est-à-dire, l'information, yani, ou le fait que Allah subhanahu wa ta'ala nous informe. Comme il donne l'exemple, qadayna ila bani Israël, c'est-à-dire, nous avons informé bani Israël. Aussi, ça peut vouloir dire al-fara, c'est-à-dire d'avoir terminé de quelque chose. Okay. Comme par exemple, quand Allah dit « فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتِ » C'est-à-dire, Allah a terminé de faire les cieux et il les a fait en sept cieux. Ou bien l'autre verset, « فَإِذَا قَضَيْتُمْ الصَّلَاةِ » C'est-à-dire, quand vous avez terminé la salat, le jour du vendredi, hein, donc ça c'est, ou bien dans d'autres versets aussi, comme là, il mentionne le verset 103 en surat Nisa. C'est-à-dire quand vous avez terminé de faire la salat, et aussi ça peut vouloir dire al-amr wa shara, c'est-à-dire l'ordre, le commandement et le fait d'avoir légiféré ou passé une loi. Donc Allah, ici quand il dit « وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهِ » ça veut dire qu'il a légiféré, hein, et c'est-à-dire qu'il a révélé comme loi qu'on ne doit pas adorer autre que lui. Hein, et il n'a pas ordonné, il n'a pas légiféré l'adoration d'autre que lui. Il n'a jamais ordonné aux hommes d'adorer autre que lui. D'accord? Donc il dit ici, لم يشرع عبادة الأصنام ولم يشرع عبادة الأولياء والصالحين ولم يشرع عبادة الأضرحة والقبور ولم يشرع عبادة الأشجار والأحجار أبدا. هذا شرعه الشيطان أما شرع الله فهو عبادة الله سبحانه وحده لا شريك له. Donc ici le chef explique que Allah n'a jamais ordonné d'adorer autre que lui, et il n'a jamais ordonné ou commandé ou légiféré que les hommes adorent les idoles. Hein, il n'a jamais non plus légiféré l'adoration des hommes pieux, ni l'adoration des tombes et des dômes et des trucs comme ça, que les gens ont pris comme associé avec Allah ou comme idole avec Allah. Et il n'a pas non plus commandé les hommes d'adorer les arbres et les pierres. Hein, il n'a jamais ordonné aux gens d'adorer ces choses-là. C'est le shaitan qui a demandé aux hommes ou commandé aux hommes d'adorer ces choses-là, mais Allah, lui, il n'a jamais ordonné ça. Allah a uniquement commandé et ordonné qu'on l'adore lui seul et rien d'autre avec lui, aucun partenaire avec lui. Donc, peu importe que vous demandiez à n'importe qui, est-ce que Allah a déjà révélé qu'on doit adorer autre chose que lui? Et vous allez voir qu'il n'y a pas de preuve pour personne qui prétend qu'on doit adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Après, le cheikh il dit, « وَهَذَا مَعْنَا لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ أَلَّا تَعْبُدُوا هَذَا نَفِي إِلَّا إِيَّهِ هَذَا إِثْبَاتِ فَهُوَ مَعْنَا لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ تَمَامًا. » Donc, encore une fois, on voit que ce verset est une explication ou est à la même signification que le témoignage de la ilaha illallah. Parce qu'il y a dedans l'affirmation et la négation. Al-nafi wal-isbat. L'affirmation, Allah ta'budu, c'est-à-dire que vous devez uniquement adorer, illa iya. Vous ne devez adorer que lui. Ça c'est l'affirmation. Et le premier c'est la négation. Donc, Allah ta'budu, c'est la négation. Vous ne devez pas adorer, illa iya. Excepté lui, c'est-à-dire excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ça c'est la même signification que la ilaha illallah. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter donc ici. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayh.